fais s'il te plaît. C'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin, à table festin. Vous êtes prêt à jouer? Bah bien sûr, c'est parfait. Toi qui... Ça y est, t'as les clés du royaume. Ah, j'ai les clés, j'ai tout ici sous la main. Ah, tu fais tout ce qu'il faut. Maëva, teste ton buzzer. Maëva. Merci beaucoup, je teste aussi. Bien roulé. Eh ben c'est parfait, on peut y aller. C'est parti alors. Ah, il faut chercher très loin là, les gars. Là, ouais, je me suis un petit peu amusé. Si vous voulez que je passe directement... Au deuxième indice, vous le dites, sinon si vous avez déjà une idée... Non, vas-y, vas-y. Deuxième indice. Quand t'es amoureux, tu choisis pas. C'est pas bien, tu crois? Ça va vous aider, ça. Trop facile. Elle a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Non, en fait, je crois que j'ai fait des bêtises. Bah, j'allais dire Macron, moi. Bonne réponse, ah, c'était bien Emmanuel Macron. Mais quoi? Mais c'était sa prof de théâtre. Coq pour la France. Voilà. Et moi, c'est la prof de théâtre parce que je sais que Brigitte Macron était Brigitte. Sa... Bri-bri. Faites des réunions de Tupperware ensemble d'ailleurs. Oui, oui. Ah, voilà, c'est ça. Ensuite, c'était l'interview donc, de Macron dans les rencontres du papotin. Et des personnes handicapées. Et puis là. Brigitte, tu veux une petite anisette? Oui. J'adore. Là, ça vous aidait plus. Hein. Oh putain, c'est énorme. Moi, Macron, moi, je trouve que c'est un personnage parce que déjà, il n'y a aucun imitateur qui arrive vraiment à le faire en France. Donc, ça, c'est déjà génial parce que. Ouais. La voix de Macron est compliquée à imiter. En plus de ça, à chaque fois, c'est lunaire ces trucs. Moi, ça me fait tellement rire. Bah, c'est un petit gosse. Hein. C'est un jeune. Je vais voir celui-là. Et on me dit que c'est trop long. Ok, deuxième. Allez, vas-y. Deuxième. Waouh. Attendez, je l'ai pas du tout, moi. Ouais, non. Allez, je vous donne un petit indice. C'est la personne qui chante que vous devez trouver. Mais c'est pas son métier principal en fait. Enfin, c'est même pas son métier d'ailleurs. D'ailleurs, il chante pas. D'ailleurs, c'est pas lui sur le morceau. Et la musique n'avait rien à voir. Deuxième indice ou... Ouais, vas-y, deuxième parce que là. Ça vous aide un peu, non? Pas du tout. Ça, c'est vu. Hein. C'est la chanson du flic de Beverly Hills. C'est ça. On est sur la voix, j'ai l'impression. Un buzzer, pas de buzzer? On poursuit? Non, bon, vas-y, troisième. D'accord, troisième indice. Les ogres sont comme les oignons. Oui, Eddie Murphy. Bonne réponse, c'était bien Eddie Murphy. C'est la voix de l'âne. D'accord. Il y avait un petit bonus avec. Ah, oh, j'ai maigri, je suis maigre. T'as vu mes pommettes? J'ai des pommettes, ouais. Regarde ma poitrine. J'ai plus de poitrine, même pas des yeux au plat. J'ai plus besoin de soutien-gorge, mais regarde la vache. Je suis maigre. Non, il y a plus d'air là-dedans. Incroyable. Comment il s'appelle ce film-là déjà? Shrek. Ah bah ça paraît. Non, ça c'est quand. C'est le professeur Foldin. Mais non, il y a un film où c'est lui qui joue tous les acteurs et là, ils sont tous gros. Là c'est le professeur Foldin et sinon tu parles peut-être de Norbit. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, ça fait 2 points pour Maëva pour l'instant. Jadoul, est-ce que tu veux te rattraper avec le dernier ou pas? Je brille une semaine sur deux. D'accord, ça marche. Alors, troisième personnalité. Normalement, c'est très simple. Normalement, c'est très simple, mais pour qui? Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Marrant, toi. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent le savent. Ah, c'est urbain, c'est de la musique hip-hop R&B. Deuxième indice. Vas-y. Si tu donnes tout pour y arriver, attends-toi à tout perdre quand il arrive. La vie s'est transformée. Franchement, je sais pas du tout. C'est vraiment du gros bluff. Je vais dire Gazo parce que c'était pas la musique. Non, mauvaise réponse. C'est pas Gazo. On va tous les citer, ces gens-là. Non, je voulais pas dire. Je me suis trompée. Je voulais pas dire Gazo. Je suis bête. Je voulais dire. Gazo, allez. Celui qui a gagné le jeu, là. Parce que c'est la musique du jeu. Il est juste là. Fraîche la peufra, mais c'est pas lui. Ah, ok. Bah, moi, c'est ça, je vais dire fraîche. Pardon. Vas-y, troisième indice. Troisième indice. Là, c'est facile. Adul Damso. Bonne réponse. Merci, j'ai au moins un point, tu vois. C'est bien, c'est pour l'honneur, on va dire pour l'honneur. Et du coup, c'était quoi la première musique? La première musique ici, bah, c'est Damso, Bruxelles Vie. Ah oui, on sait tout. Ah bon, on va l'écouter, le titre à lui. On va l'écouter, carrément. Bah, t'as prévu ici. Non, je sais plus. Moi, je sais plus ce qu'ils ont. Non, mais si, on a du Damso qui est prévu, mais si, on va écouter Macarena. Ah. Dans quelques minutes, Macarena. Oui, on fait des classiques. On l'a teasé un peu, tu vois. Bah, c'est très bien. Une petite victoire de Maeva, enfin une grande victoire je de Maeva. Je crois que c'est peut-être la première. Non, c'est pas la première fois, mais c'est très rare quand je gagne au FaceTime, du coup. Donc, ça a le mérite d'être souligné, non?